Selon le journal d'internet sud-coréen Tongil News, l'action nationale extraordinaire pour la destitution du pouvoir de Park Geun-hye et le rassemblement des avocats pour une société démocratique ont tenu une conférence de presse le 19 janvier devant le tribunal central de grande instance de Séoul et critiqué le ministère de la Justice qui a fermé les yeux à la corruption du vice-président de l'électronique Samsung. Après les paroles, on y a publié le texte de la conférence de presse sous thème « Le ministère de la Justice s'agenouille devant l'argent et la justice est tombée dans l'abîme ». Les journaux d'internet sud-coréens Tongil News et Jeju Sibon ont rapporté que les avocats, les professeurs et chercheurs du droit de Corée du Sud ont entrepris le 20 à Séoul le sit-in d'actualité contre le ministère de la Justice qui empêche l'arrestation du plutocrate corrompu.